50 languages. 41. 41. 41. الاتجاه الصحيح. Demandez le chemin. Demandez le chemin. أين هو المكتب السياحي؟ Où est le syndicat d'initiative? Où est le syndicat d'initiative? هل يمكنك إعطائي مخططا للمدينة؟ Pourriez-vous me procurer un plan de la ville? Pourriez-vous me procurer un plan de la ville? أيمكنني هنا حجز غرفة في فندق؟ Peut-on réserver une chambre d'hôtel ici? Peut-on réserver une chambre d'hôtel ici? أين هي المدينة القديمة؟ Où est la vieille ville? Où est la vieille ville? أين هي الكاتدرائية؟ Où est la cathédrale? Où est la cathédrale? أين هو المتحف؟ Où est le musée? Où est le musée? أين يمكنني شراء طوابع بريدية؟ Où peut-on acheter des timbres? Où peut-on acheter des timbres? أين يمكنني شراء زهور؟ Où peut-on acheter des fleurs? Où peut-on acheter des fleurs? أين يمكنني شراء تذاكر سفر؟ Où peut-on acheter des billets? Où peut-on acheter des billets? أين هو المرفأ؟ أين هو الميناء؟ Où est le port? Où est le port? أين هو السوق؟ Où est le marché? Où est le marché? أين هو القصر؟ Où est le château? Où est le château? متى تبدأ الجولة؟ Quand commence la visite? Quand commence la visite? متى تنتهي الجولة؟ Quand se termine la visite? Quand se termine la visite? كم تدوم الجولة؟ Combien de temps dure la visite? Combien de temps dure la visite? أريد دليلا سياحيا يتكلم الألمانية. Je voudrais un guide qui parle allemand. Je voudrais un guide qui parle allemand. أريد دليلا سياحيا يتكلم الإيطالية. Je voudrais un guide qui parle italien. Je voudrais un guide qui parle italien. أريد دليلا سياحيا يتكلم الفرنسية. Je voudrais un guide qui parle français. Je voudrais un guide qui parle français.